Le docteur Oméga. Aventure fantastique de trois Français dans la planète Mars. Livre audio gratuit. Un roman d'aventure fantastique de Arnoul de Galopin. Lu par Ramid Agrobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org.